à tes clics, ultimatum, une histoire de famille. Faut que tu saches qu'on s'est connus il y a une vingtaine d'années. ATK, c'était des grands frères pour nous. Au début, on pensait faire juste un featuring. Et au final, c'est devenu une histoire de famille. Histoire vraie. One love. Sortez les drapeaux blancs. On en a pris des routes, des chemins et des croisements. Des intersections, des choix difficiles, parfois en nombre décroissant. On nous demande, t'as des nouvelles d'un tel? Est-ce que tu le vois toujours? Paraît qu'il a abandonné le rap, paraît qu'il aimerait vous relancer. Et qu'il fait tout pour, on en a partagé des années et vécu des séparations. Se retrouver sur ce morceau, c'est comme une réparation. Même si on n'est jamais loin, tu sais ce qui nous forge, c'est le passé précieux, ces instants présents. On en prend soin, jamais loin dans le cœur, même si peu près des yeux. À l'échelle planétaire, nos petites histoires, on en ferait des guerres. Pour une couleur ou un drapeau, pour du métal ou pour des terres. Hégémonie d'horreur humaine, hymne à la haine, amour sous éthéré. Trop de haches, au fond surface, ne reste pas enterré. Les drames au centre de nos vies se concentrent, nous frappent au flanc. Que nos rues aux autres du monde soient déterrées. Tous les drapeaux blancs, stop aux rages subites. Que les peuples subissent, qui les démolissent, les démunissent et les désunissent. Message de paix de Paris Est et des Ulysses. Toujours l'inspire frère, entre l'actu les coups de crasse. Beaucoup de taf, je suis un fleuri près d'un cimetière. Mon stylo pisse de l'encre, dévale les pistes blanches. Dévoile la vie des rats des villes ici en Île-de-France. Pour qui l'époque est comme le pic de Dante. Qui pense que sans rien dans les poches, la vie est vide de sens. Je sais que le vice te tente par ce triste temps. Quand tu vois Satan t'attendre sur la piste de danse. Nos trajectoires deviennent des tragédies grecques. J'essuie mes cils tard le soir car l'alarme est discrète. Je rêve de calme et de finesse, pas de cache et de tigresse. J'aimerais stopper le sky, mais pouvoir garder l'ivresse. Je vais te calmer vite F, j'esquive jab et direct. Tu peux me planter dans le dos mais ne me colle pas d'étiquette. Je connais clash et mixtape, je préfère l'art c'est mystère. Et je m'applique dans mes textes, on m'a dit que chaque écrit reste. L'histoire a fait couler le sang et les larmes car bien. Trop de fuites translucides inutiles ou encore rouge carmin. On a un rêve et c'est le même que nos parents et les leurs depuis tout gamin. Si tu n'as pas de drapeau blanc, lève la main. L'histoire a fait couler le sang et les larmes car bien. Trop de fuites translucides inutiles ou encore rouge carmin. On a un rêve et c'est le même que nos parents et les leurs depuis tout gamin. En guise de drapeau blanc, lève la main. Ça m'arrive souvent de repenser à cette année 98, pas vrai? Wilfried a canné, je viens d'un quartier difficile, je tardais. On était le bouffe, fallait aucun délit de fuite, jamais. On était cous, on était route, kicker des boucs, beurre. Chose étrange, en train de feuilles, on crame l'adolescence. Je fais le tour de la France pendant qu'on plaide, ça tire dans tous les sens. D'abord tes sauces, puis Tony me fait rentrer dans la danse. On s'est rencontrés un dimanche, normal c'est jour de chance. On a du flow, on a des punch, les mogos aimez-vous. On va sortir de trois têtes, faudrait laisser d'être nous. Sans imaginer que le move attire la jalousie. Spéculation, traîtrise, hypocrisie, j'ai retenu la leçon. Je creusais pour le billet à Pablo, j'ai trouvé drapeau blanc. J'ai rangé mon mort, fumé tout le monstre au plan. Enterré amitié, couplé décevant. Cheesy plie mais ne rompt pas comme roseau face au vent. Pourquoi me féliciter si j'en suis fier qu'à moitié? On ne fait que ses pieds sans pitié, fini à six pieds. Tu finis éclaboussé si la vérité éclate. T'es bon qu'à glousser mais nous on préfère les rires aux éclats. Exact, à la base j'suis hyper cool. Un breakbeat et une basse et be careful. Hors foule, bain de foulée et ne je vous vois quoi. Fais pas le you vois avec moi, vaut mieux que tu vous vois. C'est Testos Max 2, il en reste un, la poire en deux. J'crois pas en toi, je crois en Dieu. Dans ma rue ça chahute, le seul aveu. Mon sauce, j'ai vendu la charrue, fume la beuh. On merde pas, l'honneur parle. Il meurt tôt, on meurt tard et respecte l'omerta. Mon sauce, la vie est dure, mon pénis aussi. OG, born maléfique, Osborne, Ozzy. L'histoire a fait couler le sang et les larmes car bien. Trop de fuites translucides inutiles ou encore rouge carmin. On a un rêve et c'est le même que nos parents et les leurs depuis tout gamin. Si tu n'as pas de drapeau blanc, lève la main. La gloire est factice. Pour combat dans ton ombre de cicatrices. J'ai vécu comme bloqué dans la matrice. Ma vie défile à plus de 200 sur la A6. Pourquoi j'insiste? Serait-ce par orgueil? Triste et mon mon recueil proche du cœur, Braza me parle en deuil. Nos parents, j'ai vu tous leurs rêves se briser. J'étais de ces petits nègres que l'État aime mépriser. Regarde à l'horizon, rien de bien galvanisant. Machala Mazel Tov, endurci en grandissant. Nos douleurs, comme personne en a parlé. Je ne compte pas sur Ardisson, je ne compte que sur Bob Marley. Accro à l'encre, agre, on ne délivre que de grands crus. La meute est toujours affamée comme le wood, on protège ton cou. Ton crew, ta groupe, protège tes tripes et ta troupe. On a beaucoup perdu, jugé coupable, nos actes sont regrettables. J'ai enterré la hache de guerre, j'ai sorti le drapeau blanc. Cherche pas de coupable, ça s'est pas passé selon nos plans. On a eu quelques accrochages, ça perd son sens avec le temps. Avec mes proches, prends des gants, je reste sympa, je suis élégant. On sait jamais de quoi demain sera fait. Profite des bons moments. Et si notre amitié tient le coup, me demande pas comment. C'est problème entre potes quand les égos se heurtent. Mais rassure-toi, on est bien loin des envies de meurtre. Et c'est pareil dans tous les groupes, demande à ultimatum. Un jour ou l'autre, chacun de nous croquera la pomme. Quand on se connaît depuis 20 ans, c'est toujours un peu Dallas. Ça s'embrouille, ça crie fort, on oublie tout, on se met la race. Je suis pas le meilleur d'ATK, même si on me dit que je suis pas mauvais, je les ai pris comme exemple, j'ai écrit tant que je pouvais. J'ai enterré la hache de guerre, les querelles du passé, c'est mon champ de guerre. J'ai sorti le drapeau blanc en écoutant Mangeur de pierre. L'histoire a fait couler le sang et les larmes, car bien trop de fuites, translucides, inutiles ou encore rouge carmin. On a un rêve et c'est le même que nos parents et les leurs depuis tout gamin. En guise de drapeau blanc, lève la main, ok? En guise de drapeau blanc, lève la main. On a un rêve et c'est le même que nos parents et les leurs depuis tout gamin. Alors lève la main. À tes clics, dou dou dou dou dou. Prestige, ultimatum, Templar, Fix, PKR, Rhino, Godash, KID, DJ Mist, DJ Tactile, Antilope, TEST, Axis, Freco, Siyane.